après fourrière et fourrière, faites le 3. Le recrutement à la préfecture de police, faites le 4. La prévention et la sécurité, faites le 5. Le permis de conduire et la carte grise, faites le 6. Les autres démarches, faites le 7. Vous pouvez également consulter le site internet de la préfecture de police de Paris à l'adresse suivante www.préfecturedepolice.fr.